Bonjour à tous, nous sommes lundi, c'est votre rendez-vous pour l'émission Dans les coulisses sur Radio Web Passion avec Bérénice. Je suis invitée aujourd'hui dans les locaux du 108 à Orléans. Le 108 est un lieu collectif d'expérimentation artistique et culturelle où un certain nombre d'acteurs y ont leur bureau, on va dire leur QG, sur Orléans. Je suis allée à la rencontre donc au 108 rue de Bourgogne de l'association Défi. Et c'est Hugo qui répond à mes questions. Bonjour Hugo. Bonjour. Bienvenue dans les coulisses Hugo. Enfin, merci de m'accueillir dans les bureaux de l'association Défi. Est-ce que tu peux nous présenter ton équipe s'il te plaît? L'équipe De l'association. De l'association. Alors nous sommes actuellement 5 salariés dans l'association. Donc, je commence par moi, tiens, parce que je suis pas très poli. Non, je commence par moi. Hugo, donc, moi, je m'occupe un peu de tout ce qui est communication et programmation. Alors, enfin, toujours en. La programmation reste collégiale quand même, mais je m'occupe un peu de ça. Donc, des mails, du Facebook, du site, et puis de répondre aux journalistes aussi, bien sûr. Voilà. Ensuite, on a Bérangère qui est la directrice de l'association, qui gère tout ce qui est projet, relations avec les partenaires, demande de subventions, tous les partenariats un peu officiels, on va dire, de l'association, la construction de projets culturels et de conseils et d'accompagnement des pratiques, enfin des projets culturels. Voilà. Ensuite, on a Nadjat qui est comptable, secrétaire comptable, qui est aussi intendante et qui gère aussi beaucoup de choses. Quand on fait, par exemple des buvettes ou des restaurations, etc. C'est elle vraiment qui gère tout ce qui est fourniture, fournisseur, etc. Ensuite, nous avons Raphaël qui est alors, qui s'occupe des locaux de répétition, qui gère les locaux de répétition et qui s'occupe aussi donc de tout ce qui est sonorisation, matériel, enregistrement. Il est aussi musicien multicasquette, donc il fait aussi des ateliers de musique, et donc d'apprentissage et puis d'instruments et de musique assistée par ordinateur. Voilà. Et puis Joël, qui est son assistant, on va dire, qui fait à peu près le même travail, puisqu'il gère les locaux de répétition. Il fait les ateliers plus pour la partie chant et rap, et puis qui sait aussi gérer la musique assistée par ordinateur et l'enregistrement. Voilà, donc nous sommes les 5 personnes qui travaillent en permanence dans l'association. Et puis voilà, au-dessus de nous, il y a un conseil d'administration avec président, secrétaire, etc., qui sont aussi, pour la plupart, des bénévoles ou d'anciens bénévoles ou qui continuent à être bénévoles dans l'association pour le festival ou pour des choses comme ça. Voilà. Alors, rapidement, parce qu'on va y revenir un petit peu après, là, il y a une actualité avec l'association Défi, mais on va en reparler, hein, qui est... là en ce moment vous êtes sur la programmation à la bamboche d'Olivet, donc ça faut le savoir, vous y êtes. Oui, et puis il y a un autre festival qui est prévu donc en août qui s'appelle Un autre monde qui est gratuit, dont c'est la 9e édition, on va en reparler également, mais ça c'est d'actualité, là on est dans c'est actif on va dire, hein. Là on est chaud là. Chaud, on reprend la bamboche. On reprend les activités après ces pauses, à cause de la crise sanitaire. C'est vrai qu'on reprend un peu d'activité. Nous, on avait quand même réussi à faire notre festival 2020 fin août, puisqu'il y avait une accalmie au niveau du virus. Donc, on avait quand même réussi avec un petit protocole pas trop strict. On avait quand même réussi à faire le festival qui s'était plutôt bien passé. Et puis là, donc, on a donc eu 10 mois sans concert, parce que d'habitude, on fait aussi des concerts au 108, par exemple, ou dans d'autres lieux. Mais Voilà, donc on avait un peu tout arrêté. Et puis, je vous parle tout de suite de la bamboche, d'Olivier, non? En fait, c'est un peu de ma faute parce que je t'ai donné un peu un avant-goût de quelque chose qu'on a envie de parler, hein, mais non, on va laisser traîner un petit peu le truc pour que les gens ils écoutent mon émission. Et puis moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de connaître l'histoire de Défi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser la question. Défi, c'est Defi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, défi, en fait, ça veut dire dialogue, expression, formation, insertion. En fait, au départ, c'est une asso, je peux. C'est une asso qui est née sur le quartier de La Source, à côté d'Orléans. Et voilà, c'est un éducateur de quartier qui avait envie de dynamiser le quartier et puis d'occuper un peu les jeunes qui étaient un petit peu à la dérive, ou etc. Donc, qui avait envie de dynamiser, d'organiser des fêtes, des concerts, et puis surtout puis d'occuper ces jeunes qui erraient un peu dans le quartier, etc. Donc il a eu envie de créer cette association. Donc il a commencé à organiser des petites fêtes de quartier, des petits ateliers musique, qui au départ se passaient dans la cave de son immeuble, etc. Et puis ça a commencé à marcher, il a commencé à y avoir un engouement. Il y a eu une demande de locaux de répétition sur le quartier de La Source, donc qui a été acceptée par la mairie. Donc on a commencé, enfin Défi a commencé à gérer un local qui était l'ancienne maison du gardien du parc floral. Voilà, qui est resté un local de répétition jusqu'au début des années 2000, même un peu plus. Voilà, puis les fêtes de quartier, Défi a commencé à acquérir un peu de matériel de sonorisation, à organiser des concerts, des fêtes de quartier, des concerts, et puis d'un peu de plus en plus, de plus en plus gros, sur l'agglo d'Orléans, et puis après on a commencé à créer un festival, un gros festival, oui on peut dire un gros festival qui a commencé sur le quartier de La Source pendant 2 ans. Ça s'appelait Cité Rock à l'époque. On était partenaire avec le réseau Printemps de Bourges qui avait créé une opération qui s'appelait Cité Rock, qui était pour faire des concerts dans les quartiers où il y avait c'était une sorte de label. On faisait jouer des groupes qui étaient Découverte Printemps de Bourges et qui allaient jouer dans les quartiers un petit peu partout. Donc dans chaque ville de France, il y avait un Cité Rock. Sauf que nous, au lieu de le laisser à juste un petit concert de quartier, on a décidé d'en faire un festival. Et donc les 2 premières éditions ont eu lieu sur le quartier de La Source. Et puis à part ça, on faisait aussi des concerts dans les salles des fêtes, à Saint-Jean-le-Blanc, à Montargis, à Saint-Jean-de-Braye, à Saint-Jean-de-Laruelle, enfin un petit peu partout. Et puis des concerts de soutien. Souvent il y avait des concerts, par exemple on a participé à des concerts pour soutenir pour la lutte contre le sida beaucoup. On travaillait souvent avec ces associations-là. Les concerts contre le racisme, tous les concerts un petit peu, on va dire, militants, humanitaires, de soutien, etc. Défi était toujours là avec sa sono à contact. Puis on connaissait beaucoup de groupes, puisqu'il y a eu quand il y a eu les salles de répétition, il y a eu une espèce de rassemblement des groupes qui viennent des quartiers, que ce soit les rockers de la ville, que ce soit les punks, les groupes de reggae, les groupes de jazz, tout le monde avait envie d'avoir des lieux pour répéter et puis des lieux pour jouer, pour les concerts. Bien qu'il y en ait déjà eu avant, mais il y a eu une espèce d'effervescence, là, comme ça, au début des années 90. Et voilà, Défi était toujours là pour contacter les groupes. Dès que quelqu'un cherchait un groupe, bah, tiens, il y a lui qui peut jouer, lui, ce groupe-là, un petit peu dans tous les styles, on connaissait un peu tout le monde. Donc voilà, et puis Défi a continué un peu comme ça sa route. On va se faire une première pause parce que c'est toi qui nous as fait la playlist et puis on se retrouve tout de suite après. Parce qu'on a encore envie d'en savoir plus, hein, parce que l'histoire est passionnante de cette association, puisque elle date de quand? Elle a été créée quand en fait? En 89. En 89, d'accord, oui. Donc depuis 89, il s'est passé plein de choses en plus, hein. Donc tu nous as sélectionné Sidi Ouattcho. la Esquina, puisqu'ils seront sur le festival qui aura lieu au mois d'août, que vous organisez. Sidi Huacho qui viendront pour Un Autre Monde cette année, le 27 août. Voilà, donc votre festival qui a lieu au Parc Pasteur à Orléans, qui est totalement gratuit. Donc on écoute tout de suite Sidi Huacho, la Esquina, c'est ta première sélection. On y va, à tout de suite. Para todas las poblaciones del mundo, rancherillo, villa, favela, desde la Patagonia hasta México, cumbia, sudaca. Que salga el sol, que salga el sol, no queremos tu mentira ni tu represión. Que salga el sol, que salga el sol, que todas las esquinas en mi población. Su dolor, se pasan la noche entera, meta cumbia y descontrol. Cuando llega la mañana, resaca y reviente el sol. Los guachos siguen cantando, meta cumbia y rock and roll. Ay, cuando llega la mañana, guayabo y revienta el sol. Los guachos siguen cantando, meta cumbia y descontrol. Que salga el sol, que salga, no queremos tu mentira ni tu represión. La rue, on y a fait nos classes, nos premières baffes, nos premières tafles, nos premières confidences, nos premiers monologues, nos premiers secrets à faire pendre les sociologues. On y a appris à manier sa langue et son dialecte, fermier sur les épaules avec le maillot des fenêtres, des gaines et attitudes qui trouveront suspect d'un langage vocabulaire qui te diront infect. Yes, voilà la matrasse, le passage obligatoire, le monde réel, sans jamais s'en débarrasser. Faut très parfois accepter nos conditions avec leur propre identité à répétition. Pas les gros s'y préparent. À nouveau dans les coulisses de Bérénice. Vous nous rejoignez sur l'émission qui est dédiée aujourd'hui à l'association Défi sur Orléans, qui est située dans les locaux du 108 à Orléans, en région Centre-Val de Loire. Vous venez d'écouter Sidi Huacho, la Esquina, qui fait partie en fait d'une sélection par Hugo, qui est chargé de communication donc à l'association Défi. Et Sidi Huacho jouera donc sur leur festival qui aura lieu le 27 et le 28, je vais y arriver, août au Parc Pasteur à Orléans, qui est un festival Un Autre Monde, totalement gratuit. Alors, Hugo, on parlait en fait de l'histoire de Défi, notamment. Donc, nous en étions arrivés à City and Rock, donc au festival qui avait lieu donc à l'époque à La Source, c'est ça. Et tu veux enchaîner sur la suite, donc je te repasse le micro. Donc c'était ce festival qu'on a appelé City Rock au début, puisqu'il faisait partie de l'opération nationale City Rock. Et puis après, ça s'est appelé Défi Stival. On a fait un espèce de petit jeu de mots avec le nom de l'assaut, Défi et Stival, voilà. Et donc le festival s'est déplacé après à Saint-Jean-de-Bray, à côté de une dizaine de kilomètres d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, dans le parc du château de Charbonnières, où là on plantait un chapiteau pendant 3 ou 4 jours, et c'était un festival de 4 jours, donc dans le parc du château, voilà, avec des concerts payants en soirée sous chapiteau et beaucoup de groupes locaux gratuitement l'après-midi, des stands associatifs, des animations de plein air. Enfin, c'était une grosse opération qui a duré environ 18 ans, on va dire, et qui a ensuite été déplacée encore une fois, mais cette fois-ci à Chessy, qui est encore un petit peu plus loin, c'est à une quinzaine de kilomètres d'Orléans. Donc Chessy qui nous a accueillis pendant 4 ans aussi pour créer ce festival. Voilà. Et donc là, c'était du festival pendant les années 90-2000, où on a reçu quand même des vedettes, des gros groupes de la scène française, hein, comme les Tétraides, les Ordres de Barbac, beaucoup d'autres, Arnaud, Miossec, enfin des choses comme ça, en chansons françaises, en rock, les Burning Heads, bien sûr, le groupe local qui est passé plusieurs fois, quelques groupes. Gros bon groupe comme ça de rock, et puis des groupes de reggae aussi anglais et jamaïcains comme Toots on the Metals, les Scatalites, Linton Kwesi Johnson, voilà, et j'en passe, et des meilleurs. Plein de souvenirs, j'imagine. Ouais. Quelles sont les actions et les missions de Défi? Alors, est-ce qu'on doit faire un parallèle entre hier et aujourd'hui? Bah, ça, tu vas me le dire. Parce que j'ai quand même vu que vous êtes aussi prestataire de buvettes de restauration. Vous êtes aussi programmateur de groupe. Vous êtes organisateur de festivals. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah oui, on est un peu tout ça. On est surtout au départ gestionnaire de locaux de répétition. Donc, on a eu le local de répétition de La Source au début des années 90, puis quelques années après, on a eu un autre local, on a eu la gestion d'un autre local, cette fois-ci sur le quartier de l'Argonne, entre Saint-Jean-de-Bray et Orléans, à la limite. Et donc là, on a géré un local qui a la particularité d'avoir un petit studio d'enregistrement avec du matériel de musique assisté par ordinateur. Et voilà, donc il faut savoir que c'est des locaux qui sont gérés, qui sont ouverts 7 jours sur 7, et jusqu'à minuit tous les jours. Donc vraiment, c'est un travail quand même qui prend beaucoup de temps. Donc on a eu plusieurs employés aussi à l'époque qui se relayaient, parce que pour gérer un local comme ça, il faut être 2 ou 3 personnes. Voilà, à plein temps, quoi. Et donc, outre la gestion des locaux de répétition, on faisait aussi pas mal d'ateliers de musique, les ateliers de musique assistée par ordinateur. On fait de l'accompagnement de projets. Donc ça, c'est un petit peu, c'est des jeunes ou des gens qui veulent, qui ont un projet musical. Alors que ça peut être faire de la musique, créer un groupe, organiser un concert, développer une association, quelque chose comme ça. C'est des gens qui viennent nous voir et qui viennent nous demander des conseils, donc on les accompagne. Alors à peu près, des fois ça peut être des projets à long terme, des fois ça peut être sur 2-3 jours, ça peut être juste un conseil comme ça, on ne sait jamais, mais voilà. Tout est esthétique, de tous les univers musicaux ou est-ce que vous avez une esthétique particulière de votre côté? Non, nous musicalement, on n'a pas d'esthétique. C'est vrai que c'était beaucoup dans ce qu'on appelle les musiques actuelles. Il y a eu beaucoup dans les années 90 d'accompagnement, surtout en musique assistée par ordinateur, de jeunes qui faisaient faire du rap, beaucoup de rap qui voulaient créer des instrus, ce qu'on appelle des instrus pour pouvoir rapper dessus après. Donc ça, c'est un truc qui a marché beaucoup et qui s'est un petit peu perdu parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont acquis leur propre matériel. Après, ça s'est démocratisé, ça s'est développé. Donc après, beaucoup de musiciens, ou de gens qui voulaient créer de la musique ont pu le faire de chez eux en se créant un petit studio, même maintenant avec un petit ordi et une carte son. Et c'est parti, on se fait sa musique, quoi. Donc c'est peut-être des trucs qu'on fait moins, effectivement. Et donc c'était beaucoup dans ce milieu-là. Après, dans les autres styles de musique, c'était plutôt, on était vecteur, on était un petit peu le lien entre certaines rencontres, parfois de belles rencontres entre musiciens qui se connaissaient pas, puis qui ont fini par former des groupes, principalement sur les locaux de répétition où il y a des gens qui passent des fois jeter une oreille au local et puis qui discutent et puis qui créent des liens, quoi. Donc on a toujours été un petit peu des ferments, on les appelait des ferments de liens, de liens sociaux, de liens musicaux, de liens culturels et de rencontres entre différentes personnes, oui, c'est vrai. On va continuer, on va se faire déjà une deuxième pause. Tu as choisi Des Lions pour Des Lions, qui est encore un groupe, c'est un groupe, hein, c'est ça, Des Lions pour Des Lions. Tu as choisi T'es Où, et donc ce groupe jouera donc également sur le festival qui aura lieu donc au mois d'août que vous organisez, qui s'appelle, tu m'as dit tout à l'heure... Le festival Un autre monde, voilà, au Parc Pasteur à Orléans. Qu'est-ce que tu peux nous dire, pardon, sur ce groupe? Des Lions pour Des Lions, c'est un groupe qui sont de la région de Angers, Saumur, dans ce coin-là. Et c'est une espèce de rencontre entre la musique de fanfare, mais une fanfare vraiment bizarre, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire de la fanfare de rue, mais ils font aussi des prestations en concert. C'est ce qu'on aura au Parc Pasteur, ce sera de la prestation en concert. Et c'est un mélange de jazz, de punk, de trance, avec des percussions, des cuivres, bien sûr, et puis du chant aussi. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un peu un ovni musical. Et voilà, ça fait 2-3 ans qu'on les avait repérés à des filles, qu'on avait essayé de les faire venir. Et puis cette année, ça sera la bonne, puisque les autres années, il y a eu des problèmes de disponibilité, etc. Cette année, ils sont là, pour notre plus grand plaisir. Alors à tout de suite, c'est un avant-goût de ce festival qu'on vous donne là aujourd'hui. À tout de suite. Vous êtes à nouveau dans les coulisses. Je suis avec Hugo de l'association des filles. Vous venez d'écouter Des Lions pour des Lions. T'es ouf. Donc Hugo, on a parlé de l'histoire de des filles et des missions qui étaient faites depuis 1989. Et donc aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Enfin, ça, du moins, ça a évolué, ces missions. Quelles sont-elles aujourd'hui ? Alors, oui, effectivement, ça a un petit peu évolué. D'une part, parce qu'on était un petit peu moins présents sur les quartiers, où il y a eu aussi des associations qui sont nées depuis et qui ont pris le relais, on va dire. Et des jeunes qui ont fait un petit peu des missions similaires aux nôtres, donc tant mieux, place aux jeunes, voilà. Et puis voilà, ça nous empêche pas d'être toujours là et de faire les missions autrement. Donc actuellement, là, on a eu, par exemple, ces dernières années, beaucoup d'ateliers avec des collèges. Donc c'est des interventions où là c'est des profs, une équipe pédagogique qui nous appelle et qui souhaite créer des chansons ou faire des ateliers musique avec les jeunes des classes. Donc il y en a eu pas mal depuis 2-3 ans là, en particulier cet hiver pendant la crise du Covid. Là on est intervenu pas mal de fois avec un collège qui s'appelle le collège Jean Rostand, qui est sur le quartier de l'Argonne. Voilà, où il y a eu des ateliers musique, où en 4 ou 5 séances, des jeunes qui n'y connaissaient rien en musique et qui parlaient à peine français, puisque c'est la classe d'accueil, donc c'était des jeunes qui venaient d'arriver en France, qui parlaient très peu français. Donc ils ont appris, on leur a appris 2 notes de musique et ils ont écrit des textes avec leur prof de français et ils ont réussi à créer une chanson en 5 ou 6 séances. Et ça, c'est un peu magique, quoi, de voir comment ces gosses peuvent évoluer et créer quelque chose, et comment ils étaient heureux de venir aux ateliers. C'était vraiment leur récréation, puis heureux d'aller à l'école aussi. C'est assez incroyable. Voilà. Et donc les ateliers, ça peut être ça peut être ça peut être aussi des fois sur des formes plus courtes, avec une action d'écriture de chansons qui peut être sur 4 ou 5 jours, sur un temps très bref aussi. Donc là, c'est des choses qu'on peut remettre aussi en route avec des intervenants. Soit c'est nous qui intervenons directement, soit des groupes ou des musiciens qui peuvent intervenir auprès des jeunes, où là encore on fait le lien et on met les gens en relation et on recherche les financements pour les projets, parce que bien sûr il faut payer des gens, que ce soit nous ou les musiciens intervenants. Donc c'est du soutien à l'emploi. Voilà, oui, c'est de l'emploi, que vous créez de l'emploi en fait, et vous soutenez l'emploi à l'association, oui, à travers des subventions, j'imagine, que vous allez chercher auprès de la région, etc. Enfin, j'imagine, après, il y a tout un mécanisme et d'institutions qui sont mises dans la boucle et qui vous soutiennent. Donc, c'était aussi une de mes questions, c'est qui vous soutient aujourd'hui ? Il y avait bien sûr la mairie d'Orléans depuis le début, la ville d'Orléans, le service jeunesse auquel on est rattaché depuis longtemps pour nos actions auprès des quartiers, et puis auprès des jeunes à travers la musique, et puis la gestion des locaux de répétition et certains concerts aussi. Donc la ville d'Orléans, le service jeunesse de la ville d'Orléans, il y a la région pour les principalement sur les postes, donc sur les emplois, et il y a le ministère de la jeunesse et des sports aussi qui prend en charge un petit peu des salaires. Voilà, après il y a des missions où il faut toujours aller chercher les subventions, et donc là c'est le travail de la directrice de Bérangère qui construit des projets par rapport aux demandes des associations partenaires, à la demande des jeunes, à la demande des musiciens, etc., qui crée des dossiers et puis qui va demander des subventions. Alors maintenant, ça passe beaucoup par la préfecture, qui a des missions de politique de la ville, à travers des missions de politique de la ville et de prévention aussi. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi pas mal sur des sujets comme des sujets où il y a besoin de prévention, comme la santé, les discriminations et tout ce genre de choses qui nous tiennent aussi à cœur. Et donc on aime bien travailler sur des projets musicaux pour parler de ces thèmes importants et qui sont à la fois éducatifs et de prévention et puis culturels et qui peuvent être aussi un petit peu festifs. Parfois, quoi, pour mettre un petit peu de gaieté sur des sujets graves aussi, des fois. Donc, c'est toujours bien. Donc, voilà les principaux soutiens de l'association. J'espère que je n'oublie pas, je ne veux fâcher personne. Alors, d'ici là, si tu as oublié quelque chose, on va écouter à nouveau ton troisième titre de ta playlist, qui est Johnny Montreuil. Donc, ça, c'est une petite pépite, hein, parce que... Tu m'as sélectionné Petite Carlo. On a écouté un petit peu en off, bien sûr, voir un petit peu ce que ça donnait avant de sélectionner tout ça. Donc, il sera également là au Parc Pasteur cet été à votre festival Un Autre Monde, qui, je rappelle, est gratuit. Donc, c'est à côté d'Orléans, enfin, dans le centre d'Orléans, hein, le Parc Pasteur. Il y a un magnifique parc, d'ailleurs, hein, vraiment dans le centre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Johnny Montreuil? Johnny Montreuil, c'est un groupe qui vient de Montreuil. Alors lui, il dit, je m'appelle Johnny, pas comme Johnny Hallyday, mais plutôt comme Johnny Cash. Et Montreuil, parce qu'il vient de Montreuil. Donc la légende, son histoire, c'est qu'il est arrivé en caravane dans la banlieue de Paris, donc à Montreuil, et qu'il a planté sa caravane, et puis qu'il a rencontré des copains, et puis il a fait un groupe avec eux, quoi. Donc c'est un peu son histoire. Donc c'est lui, il joue de la contrebasse, il chante, Johnny, et puis il y a un harmoniciste, un guitariste, un batteur, et voilà, c'est un espèce de groupe de rockabilly manouche, avec des ambiances western de banlieue et puis des petites romances parisiennes, voilà. Donc c'est un groupe qui a beaucoup de caractère, qui est assez charismatique, et puis surtout qui fait des très belles chansons, je trouve, qui parlent de l'univers de banlieue, des chômeurs, du travail, de la classe ouvrière, et c'est vraiment très touchant, quoi. Donc Petite Carlo, ça veut dire caravane en langage un peu de banlieue, en langage manouche aussi. Voilà, donc il est arrivé avec sa petite Carlo dans la banlieue. Voilà. Johnny Montreuil. J'ai atterri là-haut, dans ma Carlo qui fait chaud, du cambouis dans le cerveau, un peu perdu, un peu palo. J'ai découvert enfin le bonheur de n'avoir plus rien, les mulots, les parpaings, les Milko, mon copain. J'ai réappris la vie, l'eau glacée du petit matin, chouré dans les épiceries, siphonné tous mes voisins, pris le temps tous les jours d'une anisette avec Blackie, pour faire l'impasse, comme il dit, sur ces putains d'après-midi. Du bel air au Ruffin, des grands péchés à Marilyn, tout le monde au bistrot du coin, plus personne pointe à l'usine. Des couchers de soleil, ici ça vaut de l'or, enivré par l'air, sur le toit de Mosinor. Ma petite Carlo dans la nuit, tout là-haut qui surplombe Paris, toujours fidèle, jamais partie. Quand je la regarde, elle me sourit. Ma petite Carlo dans la nuit, pour les frôlots, les narvalis, pourvu qu'on soit toujours en vie. Ma petite Carlo dans la nuit. Elle est belle, elle est là, elle demande jamais rien. Elle les prend dans ses bras, les affreux, les vauriens. Juste un petit coup de pinceau pour soigner ses chagrins. L'emmener voir la mer, s'enfiler quelques bières. Quand le vent dans les arbres frétille au mois de juin. Quand nos soirées de palabres meurent au petit matin. Quand ma petite fille et moi, on est les rois du monde. Tout chaud à la fenêtre, on regarde la neige qui tombe. Si t'as les genoux qui se touchent, t'aimes hurler à la nuit. Si t'as mis tes babouches, viens danser le boogie woogie. Les marchands de sommeil s'envolent au firmament. Besoin de plus de soleil, toi aussi deviens un fils du vent. Ma petite Carlo dans la nuit, tu l'as où qui surplombe Paris. Toujours fidèle, jamais parti. Quand je la regarde, elle me sourit. Ma petite Carlo dans la nuit, pour les frôlots, les narvalis. Pourvu qu'on soit toujours en vie. Ma petite Carlo dans la nuit. Ma petite Carlo. Ma petite Carlo. Ma petite Carlo. Ma petite Carlo. Ma petite Carlo dans la nuit. Pour les frôlots, les narvalis. Pourvu qu'on soit toujours en vie. Ma petite Carlo dans la nuit. Vous venez d'écouter Johnny Montreuil, Petite Carlo. Et je suis toujours avec Hugo de l'association Défi. Alors, vous avez une actualité à l'association Défi. Après Covid, donc là, vous avez quand même une succession de belles choses. Donc, celles qui sont terminées et qui sont en cours. Alors là, vous venez de terminer les concerts dans les quartiers de Fleury-les-Aubrais qui se trouvent à côté d'Orléans, qui s'appellent... Ah, ils viennent de commencer, excuse-moi. Donc, ils viennent de commencer, ça s'appelle Maison pour tous. Et qu'est-ce que c'est, ces concerts? C'est une série de concerts. C'est quoi, dis-moi? Alors, là, c'est la ville de Fleury-les-Aubrais qui fait appel à nous. Et les Maisons pour tous, c'est des maisons de quartier, en fait. C'est des sortes de MJC, de centres sociaux, qui sont dans les quartiers de Fleury, dans trois quartiers de Fleury-les-Aubrais. Et là, on nous demande de faire des prestations musicales. Donc, on appelle des groupes et puis on arrive. Donc là, ça va être tous les mardis de juillet. Et puis ensuite, trois jours en août, où on arrive avec le groupe devant les Maisons pour tous et on organise un petit concert, quoi. Alors, ça se passe assez différemment. Il y a certains où il y a d'autres actions en même temps. Donc, il peut y avoir des fois un repas de quartier ou une animation sportive à côté, etc. Et donc, les habitants se rassemblent et participent à tout ça, écoutent la musique. Et voilà, c'est des chouettes moments dans les Maisons pour tous, qui ont des très jolis noms, d'ailleurs. Jean Villard, Jacques Tati et Jean Gabin. Ce sont des artistes qui sont du coin ou pas du tout? Ouais, là, pour ces actions-là, ouais, c'est principalement des groupes locaux, hein, parce que c'est des projets qui sont nés assez rapidement, en fait. C'est arrivé au mois de juin où les mairies ont eu un peu des financements pour faire ça. On nous a appelé, donc on nous appelle souvent un peu nous en urgence Défi parce qu'on sait faire aussi l'urgence. On a eu l'habitude de travailler pas mal dans l'urgence avec peu de moyens. Donc quand il y a un petit peu de moyens, c'est encore mieux. Et donc on nous appelle, on dit vous pouvez nous trouver 6 concerts, là il nous faudrait des groupes et tout ça, tatatac. Donc là, pas de problème, on voit chaque animateur de Défi, chaque employé de Défi voit un petit peu de son côté, appelle ses contacts, et puis voilà, en quelques jours c'est bouclé, Et on propose donc des concerts. Donc il y aura, on va commencer mardi 6 là avec le groupe Utopic Combo qui est un habitué des locaux de répétition de l'assaut. Voilà. Puis après ça s'enchaîne avec quelques groupes. Alors j'ai plus les noms sur en tête là. Alors là, tu nous parles de des maisons, des maisons pour tous. On est bien d'accord. Hein. Donc là, voilà, Utopic Combo, Trio MFM, Trio Live. Après, on a Quartetto Café Con Pan le 20 juillet. Et ensuite, au mois d'août, le 17, Sweet and Smart Quartet. Le 18, Medjay, qui est un groupe de reggae. Et le 19 août, Trio MFM, qui est un groupe de jazz africain. Donc là, concert d'été, Maison pour tous, à Fleury-les-Aubrais. Donc c'est à côté d'Orléans. Donc comment on fait pour y participer, nous, quand le public, comment il fait pour venir? Est-ce que c'est payant? Comment ça s'organise tout ça? Alors c'est gratuit, c'est principalement pour à l'intention des habitants des quartiers, mais les gens de d'autres quartiers et d'autres villes sont bien sûr bienvenus, hein, c'est des concerts. Et donc ils auront lieu à 20h donc le mardi 6, 13 et 20 juillet, et les 17, 18, 19 août, ça sera à 20h aussi, à 20h, donc c'est dans les quartiers, c'est gratuit, c'est sur des petites plaines devant les maisons pour tous. Voilà, c'est un accès libre et gratuit. Et voilà, c'est des petits moments festifs et conviviaux en début de soirée. Voilà. Alors après les maisons pour tous, en fait tout se fait en parallèle, hein. Tout se fait les trois que je vais annoncer là, les concerts, la série de concerts Maisons pour tous, c'est jusqu'à 18 août. Ensuite, on a Proc Défi à la Bamboche d'Olivet, qui est également en aglo d'Orléans. Donc là, il y a quand même aussi une série de concerts. Et vous êtes aussi prestataire. On peut vous voir venir vous faire coucou à la buvette, puisque c'est vous qui vous en occupez. Qu'est-ce qu'il y a à la Bamboche d'Olivet? Quel type d'artiste vous avez programmé là-bas? Alors, c'est vrai qu'au départ, on a plutôt été appelé... Pour nos qualités de prestataire, si on peut dire, mais de créateur de buvettes et restauration, parce que voilà, c'est une chose qu'on fait depuis longtemps, qu'on a fait sur nos festivals à nous, et puis qu'on a fait ensuite qu'on a fait à une époque au festival de jazz d'Orléans aussi, où on a fait quelques buvettes là-dessus. Voilà, c'est des choses qu'on a fait aussi. Il y a quelques années, on l'a fait aussi pour les fan zones des Coupes du Monde de foot. Voilà, qui étaient retransmises. Là, c'est pareil, la mairie d'Orléans nous a appelé. Les filles, vous ne voulez pas tenir la buvette pour la... Et donc, on a servi des bières à 6000 personnes pour le football, pour la Coupe du Monde. Voilà, c'était... Et donc, c'est des choses qu'on sait faire et qu'on fait avec beaucoup de plaisir aussi. Et donc, la mairie d'Olivet nous a appelé pour ça. Et donc, on a commencé là, le week-end, la semaine dernière. Et puis, on leur a demandé en échange si on pouvait programmer aussi quand même quelques groupes, parce que c'est un petit peu aussi notre métier de programmer, d'accompagner des groupes. Donc, ça nous a donné l'occasion de programmer des artistes qu'on aimait bien. Donc là, dimanche dernier, c'est dommage, mais ça a été annulé donc hier, je peux dire que c'était hier. Le 4, ça a été annulé, donc c'était le groupe Selon les Humains, qui est un groupe de chansons humanistes, on va dire. Voilà, et donc ils ont été annulés à cause de la pluie. Cette fois-ci, c'est plus à cause du Covid, c'est à cause de la pluie. Voilà, et puis après, on a programmé alors 4 groupes. Plus, alors il y aura les Têtes Raides le 9 juillet, qui est une programmation défi aussi, qui a été prise en charge par la ville d'Olivet, mais c'est au départ une programmation défi. C'est un groupe qu'on a programmé plusieurs fois sur le des festivals, et puis le chanteur Christian Olivier est venu sur Un Autre Monde il y a 2 ans aussi. Et donc on avait envie pour leur anniversaire des ce qu'ils appellent les 30 ans de Ginette, c'est les 30 ans du groupe Têtes Raides. Ils avaient une tournée un peu exceptionnelle, et donc on avait envie de les faire, de les programmer. On n'avait pas forcément les moyens, donc on a dit à Olivier, si vous pouvez prendre en charge la production et puis nous on s'occupe du contact et puisque c'est des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Et ensuite on programme aussi Mathieu Malon qui viendra le 11 juillet. Mathieu Malon qui fait de l'électropop, une chanson électropop, qui est une légende de la scène orléanaise. Ensuite, on programme Megam Red, qui est un tout nouveau groupe. C'est un des différents projets d'un garçon qu'on aime bien, qui s'appelle Victor Georges, qui a plein de projets musicaux différents. Ça va du techno à la country, en passant par le pop. Voilà, par l'électro, par plein de trucs. Et donc là, il vient un de ses projets. Donc on va découvrir ses chansons un peu loufoques. Et ça va être un grand plaisir. Et puis le 22, ça sera le 22 juillet. Donc ça sera La Vie d'Artiste, qui est un groupe de pop, de hip-hop, trip-hop d'Orléans. C'est pareil, c'est un petit peu une légende. Ils avaient fait un album avec des reprises de Léo Ferré, entre autres, voilà, qui avait pas mal marché. Voilà, et puis après, il y a plein d'autres artistes super bien à ce festival organisé par la ville d'Olivet. Il y a beaucoup de très bons artistes. Donc ça, c'est également une programmation qui se trouve dans... au Parc du Poutil. Au Parc du Poutil. Voilà, qui se trouve dans le centre d'Olivet, et c'est aussi gratuit. La plupart des concerts sont gratuits. Il n'y a que deux concerts qui sont payants, c'est les Têtes-Raides et Tanguy Pastureau, qui est un humoriste. Voilà, ça, c'est deux concerts qui sont payants et qui sont au Théâtre de Verdure. C'est juste à côté c'est dans le Parc du Poutil aussi. Voilà. Ensuite, le dernier festival qui aura lieu donc fin août, dont là vous êtes vraiment les organisateurs, comme je disais tout à l'heure, et c'est la 9e édition, donc quelque chose qui est quand même bien rodé, on va dire. Une superbe programmation qui est plutôt world quand même, world music, hein, plutôt orientée, et qui s'appelle Festival Un Autre Monde. Qu'est-ce que tu peux me dire justement sur tous les artistes que vous avez programmés dans sur ce festival? Alors déjà, la programmation n'est pas terminée. Là, on a programmé principalement les plus gros groupes, si on peut dire. Que vous avez pu entendre, donc Sidi Wacho, Johnny Montreuil, Des Lions pour des Lions et Moonlight Benjamin. qu'on écoutera après. Ça, c'est les principaux groupes. Et puis après, il y aura d'autres groupes. Là, donc, on est en train de terminer d'organiser tout ça, parce qu'il y a des retards dans les financements, dans les partenaires, les associations avec qui on travaille, et donc on va compléter tout ça. Voilà. Et c'est un festival, oui, alors donc musique du monde au sens large, voire assez large, musique d'ici et d'ailleurs, on appelle ça. Voilà, et c'est donc c'est la 9e édition. C'est le festival qui a remplacé un petit peu des festivals, puisque quand on est parti de chez SI, on a cherché un lieu en centre-ville pour créer un autre festival. Et puis la mairie nous a bien voulu qu'on s'installe au Parc Pasteur, où il y avait déjà un petit festival de théâtre géré par des collègues qui travaillent au 108, là, l'association Tortue Magique, qui faisait le théâtre du Parc Pasteur, un petit festival de marionnettes et théâtre. Et donc on s'est dit, tiens, on va aller avec eux, et puis on va faire une programmation musicale. Donc il y avait théâtre, musique, marionnettes, etc. Après, il y a eu des conteurs qui ont fait un festival de contes en même temps. Voilà, il y a plein de choses qui se greffent autour, et c'est pour notre plus grand plaisir. Nous, on gère donc toute la buvette, restauration, l'accueil des artistes, et tout ce qui est partie concert. Et puis après, c'est qui veut, vient un peu, on a envie de dire... Voilà, on est ouvert toujours aux associations, aux partenaires. On a hâte d'y aller, d'ailleurs, à tous ces concerts, parce que c'est quand même assez dense, il y a beaucoup de choses. On peut vous retrouver sur quels réseaux sociaux aujourd'hui? Alors, principalement Facebook. Principalement Facebook, la page s'appelle Défi Orléans. Et puis, on a quelques vidéos sur YouTube, on a une chaîne YouTube. Assaut défi. Voilà. Alors pour accéder à vos locaux de répétition, comme tu disais, 7 jours sur 7, c'est aujourd'hui, c'est encore le cas, c'est ça? Ouais, Oui, on a relancé là, avec la fin du confinement, on a relancé l'ouverture des répétitions. Donc les groupes reviennent, là c'est des groupes un petit peu habitués. Et donc ceux qui reviennent un petit peu là pour juillet, on va fermer un petit peu au mois d'août pour prendre un petit peu de repos juste avant de réattaquer les concerts d'août. Et puis voilà, après pour les groupes pour venir répéter chez nous, il y a une réunion d'inscription qu'on fait en début d'année où ils s'inscrivent sur des créneaux particuliers. C'est des créneaux de 3 heures normalement, des créneaux de 3 heures. Et puis bien sûr, dans les locaux de répétition, tout le matériel est fourni, enfin les amplis, la sono, etc. Ils arrivent avec leur guitare et leur talent et puis voilà, c'est parti. Donc il y a une adhésion, c'est ça? Il y a une adhésion pour entrer dans le code de répétition et puis il y a un tarif quand même, il y a un tarif d'inscription. Et pour, alors après, ils peuvent prendre pour un mois, trois mois ou carrément à l'année s'ils le veulent. Comment vous voyez là, dans les 2 ans ou les 3 ans qui viennent, est-ce que vous êtes déjà projeté par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport au Covid avant de se quitter? Est-ce que vous avez une idée de là où vous voulez aller là aujourd'hui? Où vous pouvez aller aussi? Avant qu'on s'écoute Moonlight Benjamin. Où on veut aller? Ben, nous, continuer à organiser des concerts, à faire un festival. À faire des petites buvettes et puis à faire des ateliers avec les enfants, avec les jeunes, avec les collégiens, à transmettre la musique, à continuer à ce que un maximum de gens écoutent de la musique, s'intéressent à la musique, mais pas seulement, aussi à l'art. C'est un moyen d'aller mieux. On l'a vu avec les jeunes à l'école. Là. Voilà, c'est vraiment un très bon moyen d'aller mieux dans sa vie, de pratiquer un art, ou même tout simplement de danser, de chanter. Et voilà, donc on va continuer à travailler comme ça. Après, avec peut-être plus de... On demande toujours un peu plus de moyens, forcément, ou au moins un peu plus de temps, des fois, pour préparer au mieux les projets. Voilà, comme même si je disais, on sait travailler dans l'urgence, à défi, on sait faire avec peu. Mais on commence à vieillir aussi, on a besoin d'un peu plus de temps pour préparer peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà. Je vous trouve super actif, moi, pourtant. Ouais. Enfin, on espère, on espère pouvoir continuer à transmettre là, puis être un vecteur d'énergie et de liens sociaux et de culture, oui. Alors on va se quitter avec Moonlight Benjamin, qui est également une programmation sur un autre monde, donc le festival fin août au Parc Pasteur. Donc ce sont que des titres que tu as choisis de ce festival. Alors c'est une déesse, hein, cette Moonlight Benjamin. On va s'écouter Tchoulé, qu'est-ce que tu peux nous dire? Et après on va se quitter bien sûr. Alors, Moonlight Benjamin, moi, je l'ai découvert via les réseaux sociaux. C'est bizarre, parce que des fois, c'est comme quoi les algorithmes sont parfois bien faits, puisque j'écoute pas mal de musique et des fois, j'ai donc des liens de groupes qui correspondent à mes goûts. C'est plutôt pas mal fait. Et la première fois que j'ai écouté Moonlight Benjamin, j'ai dit waouh. J'ai dit, voilà. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est un groupe, c'est plutôt blues rock, on va dire. Mais la chanteuse est haïtienne et elle chante en créole haïtien, donc. Et il y a un groove assez particulier, et en particulier cette chanson Tchoulé, là. Même je l'écoutais encore hier en voiture et je dansais presque dans la voiture, quoi. Voilà, il y a un truc vraiment avec ce groupe, c'est envoûtant. Ils disent aussi que c'est du vaudou blues rock. Alors peut-être que je suis déjà envoûté par le vaudou, je sais pas, mais ça me fait beaucoup de bien. On va te souhaiter bon courage pour les festivals, ouais. Plein de bonnes choses pour l'association Défi. Merci. Merci, ben ouais, on espère continuer. En tout cas, venez nombreux au festival. C'est un festival qui est vraiment super agréable, hein, fin août, 27-28 août. C'est dans le parc Pasteur. C'est juste avant de reprendre l'école, la rentrée, juste avant de reprendre le travail, voilà, à la fin des vacances. C'est super agréable. C'est gratuit. Il y a une buvette sympa. Et voilà, on peut s'étaler dans le parc. Et voilà, c'est vraiment très, très, très chouette. C'est un bon moment assuré, et ça, que ce soit le cadre, que ce soit la programmation, allez-y, les yeux fermés et les oreilles bien ouvertes. Bien ouvertes. C'est bien dit. Voilà, bonne continuation. À très bientôt, Hugo, et encore merci de m'avoir accueilli dans les locaux de l'association Défi. Plein de bonnes choses à toute l'équipe. Très bon accueil de l'équipe entière. Et donc, moi, je relayerai toutes les informations sur Radio Web Passion et sur mon émission Dans les coulisses. À bientôt, Hugo. Au revoir. Merci aux auditeurs et merci et que vive la Radio Web Passion. C'est midi. Julie, oh Julie, Julie, Julie, oh Julie, Julie, Julie, oh Julie, Julie, Julie, oh Julie, Julie, Julie, oh Julie, Julie, Julie, oh Julie. Toy.